Propriétaire de la Korrigan, c'est avec grand bonheur que j'ai accepté d'être la porte-parole d'affaires du Radioton de CKRL cette année. Depuis plusieurs années, la Korrigan a présenté des événements culturels en étroite collaboration avec CKRL. La mission de la Korrigan, tout comme CKRL, comporte un volet social et culturel qui s'articule autour des valeurs d'ouverture, d'authenticité, de solidarité et de respect. Bonne continuité et bon Radioton! De bonne musique pour ici. Vous êtes à l'antenne de Terra Incognita au 89.1 à Québec et c'est KRL. Et bien, vous êtes en compagnie de Bruno et de Jean-François. C'est un choix musical de Bruno ce soir. Et il y aura beaucoup de bonne musique et on parlera de toutes sortes de choses, mais pas trop, parce que Bruno, il aime ça mettre ses blocs assez serrés. Donc, on va quand même débuter assez rapidement en musique avec Airbag. Qui a sorti un très bon album là, dans le courant de l'été. Ça s'appelle A Day at the Beach. On va entendre la pièce Sunset. Ce sera suivi d'un groupe polonais qui s'appelle Lizard. Et ce sera un beau retour dans le passé. Ça date environ de l'année 2000, si je me souviens bien. Et on terminera ce bloc avec Il Giardino Onirico. Il va tout de suite en musique avec Airbag. And the sun sets on everyone. Między oknami wieczoru i dnia pełen bólu rozciąga się świat. Zmęczony motyl na powiekach drży, zaraz skończy się czar. Ostatnia opowieść o miejscu jest tym, gdzie jaszczur ze szmaragdu śpi, gdzie chwila wiecznie trwa, gdzie nie ma nigdzie zła, gdzie wszędzie cały czas muzyka gra. W środku pokoju bez okien i ścian, nad łóżkiem z purpury szybuje wciąż ptak. Leży tam człowiek tak biały jak śnieg i myślami tworzy swój świat. Niezwykłe światło, błękitny blask pod powiekami mu drga. On widzi cały czas, on słyszy cały czas, on czuje cały czas cudowny świat. We'll be right back. Pomiędzy oknami wieczoru i dnia, pełen bólu rozciąga się świat. Leży tam człowiek tak biały jak śnieg i myślami tworzy swój świat. Wszystkie obrazy w pamięci wciąż ma i każdą opowieść wciąż zna. I w każdej chwili tak wyczuwa życia żar, cudowny jego rytm i dziwny smak.

tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. La rentrée est toujours synonyme de nouveauté. Un nouvel enseignant, une nouvelle matière, de nouvelles amitiés ou encore de nouvelles habitudes comme se laver les mains après la récré, avoir un local attitré ou porter un couvre-visage quand on se déplace. Cette année, la rentrée est pleine de nouveautés. Et elle sera unique, comme les autres années. Pour que l'école reste l'école, on a mis des mesures sanitaires en place. Et on va veiller à ce que chaque élève soit bien encadré. Rendez-vous à québec.ca/rentrée pour une rentrée en toute sécurité. Un message du gouvernement du Québec. C'était le groupe italien Il Giardino Onirico de leur album Epifonia, leur troisième en liste. Et c'est un disque qui a très bien paru au cours de l'année dernière. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont mis dans leur palmarès. La pièce qu'on a entendue, c'est Un Nudo al Amina. Et juste avant, c'était le groupe polonais Lizard. Mais on va vous épargner un petit peu le titre. Le titre de l'album ressemble à W. Galieri Chazu. Mais pour ce qui est du titre de la pièce, on va laisser tomber. De toute manière, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est du polonais. On avait débuté avec Airbag, A Day at the Beach. Un disque, je pense, qui était attendu suite à la prestation qu'il nous avait faite l'année dernière. On a entendu la pièce Sunset et on poursuit avec, c'est un groupe suédois, hein, je pense, Violent Silence, de l'album Kinetic, c'est un classique. On va vérifier ça puis on vous reviendra. Monkey Tree va suivre avec un extrait de l'album Sphère. Et là, ça va être une découverte pour moi. Ça va être Philorhythmia, que je ne connais pas. Bruno va me faire découvrir ça. L'album, c'est Passaggi. On va entendre la pièce Cola y Gezzo. On y va en musique. Beep, beep, beep, beep. casa del trono. È la verità del funambolo cieco. Ride annusando le labbra dischiuse e i bambini stupiti. We'll be right back. CKRL. Le radioton de CKRL arrive à grands pas. Objectif? Soutenir CKRL et la relance culturelle. Pour cette édition 2020, CKRL vous propose une grande nouveauté. Vous pouvez dès maintenant faire des mises sur les lots de l'Encan sur le site de CKRL en cliquant sur Radioton 2020 Encan interactif et suivre en temps réel l'évolution de votre mise. Misez dès maintenant! Une présentation du ministre de la Culture et des Communications et député de Montarville, Nathalie Roy, de Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale, de Catherine Dorion, députée de Taschereau à l'Assemblée nationale, de la députée fédérale Beauport-Limoilou, Julie Vignola, du député fédéral de Québec et président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Chez moi, chez les autres, avant d'entrer dans un magasin, dès que je le peux, je me lave les mains. Je le fais pour protéger ceux que j'aime, mon petit-fils, mon mari, pour continuer de recevoir à la maison cet été, pour profiter des fêtes de semaine au camping en famille. Parce que la COVID-19 est toujours là, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi malsain, on doit tous se laver les mains. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Et c'était le groupe italien Philorhythmia, qui est pour moi une découverte. C'est un album qui date de 2009. Ça s'appelle Passaggi. On a entendu la pièce Cola e Gesso. Donc, merci à Bruno pour la belle découverte. Et juste avant, c'est un groupe que je connais, mais j'en ai pas de ce groupe-là. C'est Monkey Tree, un groupe suisse. Le dernier album en date, qui date de 2019, qui s'appelle Sphère. On a entendu Ellipsis. Moi, j'ai trouvé ça très, très bon. Là. Par moments, ça m'a fait penser un petit peu à du Necro Monkey, mais ou aussi du Gösta Berling Saga, qu'on pourrait dire un peu. Mais ça a son style à lui aussi. Et comme pièce souvenir, on avait Violent Silence, que j'ai bien écouté à l'époque, mais là, ça fait plusieurs années. L'album, c'est celui de 2005, qui s'appelle Kinetic, qu'on a entendu, la pièce-titre. Et pour débuter ce troisième bloc, ça va être le groupe ukrainien Carphagène, le groupe d'Anthony Kalugin, l'espèce de petit génie de surdoué là, qui nous sort des albums là, à répétition. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est toujours très bon. Donc ça fait une vingtaine d'albums qui nous sort comme ça dans les dernières années. On va entendre un extrait de Echoes from Within Dragon Island. Ça va être le Dragon Island Suite 2. Et ce sera suivi de Farmido, le groupe anglais. Un extrait qui s'appelle The Fugitive. the names I know from nurse. Gardeners, gutters, shepherd's purse. Baker's buttons, lady's smock, and the lady hollyhock. Fairy places, fairy things, fairy woods where the world be wings. Tiny trees for tiny days. This must all be fairy names. Tiny woods below, whose boughs shady fairies weave a house. Tiny tree tops, rose for twine. Where the grave of fairies climb. the first trees and curves in the picture storybooks. And the flying fairies' looks in the picture storybooks. We must get out of here. Running Pumping blood through his brain. The beads of his perspiration reveal this ain't a game. He's pushed to the limit as he crashed down once again. Uncanny resemblance to the fugitive insane. Running scared, virtual reality. From all he cannot see, on the run, out of time, you know your life is on the dog strain on the lead. to stay silent as his cuts begin to bleed. The dogs close around him as they smell a scent of fear. The air is so claustrophobic, we must get out of here. Running scared, virtual reality, far side from all he cannot see. On the run, out of time, you know your life is on the line. Artistes de Québec en chair et en os, CKRL vous invite à la Promenade des Arts les 29 et 30 août, ainsi que les 12 et 13 septembre 2020. Laissez-vous guider par 4 animateurs de CKRL lors d'une visite dans 4 lieux mystères. Des performances d'artistes de Québec vous surprendront. La seule chose que vous connaîtrez, votre point de rendez-vous et d'arrivée, CKRL au 405 3e avenue. Réservez votre billet gratuit pour la Promenade des Arts sur ckrl.qc.ca ou lepointdevente.com. Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Le groupe anglais de Far Meadow, de leur album Foreign Land, oui, et la pièce était de Fugitive. Et on avait débuté avec le génie ukrainien Carphagen. Et en fait, ça, c'est le nom d'un de ces groupes-là. Mais l'album, c'est Echoes from Within Dragon Islands. Et la pièce, c'était Dragon Island Suite 2. Et bien, en ce qui nous concerne, il nous reste seulement que deux pièces à faire jouer, mais c'est deux pièces assez longues. On va entendre du Eccentric Orbit. L'album, c'est Creation of the Humanoid. On ne peut pas dire que c'est un groupe qui est tellement prolifique. Il y avait un album en 2004 et celui-là en 2014. Donc, seulement deux disques en 10 ans, en fait, compte. Mais donc, on n'entend pas parler d'eux autres assez souvent, mais c'est très bon. On terminera ce bloc et l'émission aussi avec Ecoline, la pièce « The End is Beautiful » de l'album du même nom qui date de 2005. Et en ce qui nous concerne, ben, c'est on va vous souhaiter le bonsoir. Vous étiez avec Bruno et Jean-François. Et l'autoroute suit avec Vincent Delisle. Donc, bonne semaine à tous. I could hurt. We'll be right back.